Nizihara Prod. Big up à Deparuno. Yeah. Cholo loco bombe d'enfoiré. Poignée de punchline. Écoute. Eh, je vois chez les gens trop de mensonges, tout sur le paraître. Bizarrement, c'est toujours au bon moment que le coup dur s'amène. Je reste bon, mais dans le fond, trop de gens se foutent du malaise. Tout le monde galère à comprendre le fonctionnement de ce foutu manège. En attendant, faut se lever, putain de sa mère. L'humain se plie aux règles après son premier bulletin de salaire. Écoute ça, faudrait braver les dangers qui te font peur. Mais te loupe pas, tu pourrais te casser les dents sur un trompe-l'œil. Visage de marbre, pas le droit de couper l'éponge direct. Dans la vie, y'a que deux choix, donc bats-toi ou jette l'éponge direct. On fait de la merde, donc la vie ne donne pas de caresse. Drôle de passer, y'a de l'enquête à faire, une tonne de bail, pas net, trop de face. En tête, là, j'mets une brode de saltar et fonce car sur la banquette arrière d'une golf de mal carré. Là, j'suis fracassé par la verte. J'devrais pas, j'le sais, mais nique sa rage, j'vais pas me racheter ni m'arracher par l'acheté. J'dois travailler d'arrache-pied histoire d'éviter de finir en zonze ou ravagé par l'HP. J'rêve de partir autre part, arrêter ce monde pas net. C'est quasi impossible comme un Walker avec des fonds de canette. Hey, rien qu'on se déconnecte à force de perdre, mais on capa. Protège tes pommettes, mes fortes têtes ne baisseront pas la garde. Et j'fume la peu, j'plane, toute la night je barode. J'ai la haine, tu peux le voir sur ma face de cassos. Tu te croyais mieux que moi? Avale ce catastrophe, c'est pas une poignée de punchline, mais une rafale de bastos. Et j'fume de la push plane, toute la night je barode. J'ai la haine, tu peux le voir sur ma face de cassos. Tu croyais mieux que moi? Avale ce catastrophe, c'est pas une poignée de punchline, mais une rafale de bastos. C'est pas une poignée de punchline, mais une rafale de bastos. Ah ouais, tu les as choqués gros, vas-y mollo wesh. Bon vas-y, dette ça pour une fois, dette ça. Right. Simer frérot, tu régales. Vas-y, t'inquiète, hein, j'en ai encore en stock. Oh, Mofo, t'envoies ça ou quoi? Vas-y. L'encre se vide, finit par atteint. J'dédicace son tout, centre-ville, squeezer à la main. J'dédicace mon crew. Hey. Les plus gros rats, je reste d'aplomb. On dit qu'on baisse la France, mais le plus fort à ce jeu, c'est Macron. C'est grave, nous ne sommes pas lucides. La déprave, on somme ça mutile. En attendant que les faux repères s'effacent, bien trop à l'usine. Ça fait 40 ans que mon pauvre père se casse le dos à l'usine. Donc sois-en sûr, je vais pas m'intégrer. Ne me serre pas la main si tu le fais par intérêt. Tu sais que la panthère aide. Zappe tes blessures termes, tu paies par intérêt. T'oublies de garder les pieds sur terre. Ouais gros, je démarre du bas, c'est comment faudrait que je brasse du talc. Être honnête, ça me tue pas, c'est le moment de poser carte sur table. Je reste autodidacte, fin quand tes potos ricanent. Jamais trop de copinage, autant de requins que dans les eaux tropicales. Ouais mon gars, mais le pire dans tout ça, c'est que les petits poissons, comme toi et moi là, à force de se faire bouffer, ben eux aussi ils veulent devenir des requins. Ils sont prêts à tout pour joindre le grand bassin, tu captes ou pas? Ouais, sauf ouais, que ce qu'ils ouais, savent ouais. pas, c'est que là-bas on n'est que des proies, rien de plus, rien de plus. Cholo loco bande d'enfoirés. Beaucoup font l'éloge d'hommes détestables, mais donnent tort aux mots des vrais sages. Ok, faut rester stable pour essayer de fausser le mauvais présage. En eux, 12 plein d'antises, pas de violon, mais oui, je pisse dedans. Faudrait trouver l'antidote avant de périr tristement. T'arrêtes plus de l'endos, j'ai fait tout, des mille psychologues. J'laisse ta prod dans l'embeau de chair, y'a de quoi dégoûter le criminologue. Yeah. J'te jure, en vrai, j'touche le fond. Faudrait se réveiller avant d'être tenu en laisse pour de bon. On rêve tous d'aller mieux, affolé que des vices en tête. J'pose des meufs déprimantes, c'est ta colère que j'décris dans ce texte. Ta torse n'est que l'évidence même. Essaie de parler peu, les gens t'adorent mais te dénigrent en secrète. Et t'en deviens fou des tas de faux mecs se défilent en traître. J'raconte pas de foutaise par faux mecs se déguisent en prêtre. Des tas de faux mecs se défilent en traître. En vrai j'raconte pas de foutaise par faux mecs se déguisent en prêtre. Dans de beaux drames et j'm'y sens bien dans l'action. Pas de maniste, ta dream on voudra ton âme. Telle une incantation chamanique. La haine m'entoure, j'arrête pas de l'avoir, t'as senti. J'voudrais sauver l'amour comme Daniel Balavoine à 30 piges. C'est la merde, perdu dans un sale tournoi. On se fait monter la tête par des influenceurs graves sournois. Bien loin de l'éveil, trop suivre à fond ce mirage. Quête sale angoisse, des gens se révèlent dans la crispation de leur visage. Balance l'instru, t'inquiète même pas, je la tuerai. J'm'en bats les reins, taper l'incruste dans ce putain de rap actuel. Tranquille, j'ai l'inspi, mais ce bail là ne va pas durer. J't'ai mal cendrier, se remplir sur un matelas, pas raturé. Ouais, hein. Putain, ça me vénère. J'tise ma desperados, desperados. Sous la lueur de ma lampe de chevet, les textes s'élaborent. Frelon, j'maintiens la corde. Rien ne sert d'aller plus vite que les autres. Le plus important, c'est de rester à bord. Je vais faire céder la porte, viens. Je lâcherai pas le rap si mes CD ne rapportent rien. Excédé, je m'accroche bien, je boxe des petits gars minables. Des sales gros de chiens, je bosse technique machinale. C'est pour les carnales, mon boss y est si marginal. Préparé à tous les traquenards possibles et imaginables. Même sur un air de fond que je m'adapte, je crache des sons salaces dans mon crâne, la stronque tabasse. Aucun point fort aveuglé, je fonce là-bas. L'avenir pue la haisse comme un joint de com avec des fonds de tabac. Bah si je décolle plus, j't'en ai trop dit. Ça me dépasse en gros, j'ai peur de béton vu que j'cale des grosses mises. Cette nuit c'est trop dur de lâcher le chromie. Passez-moi le flambeau, j'en ferai bon usage, c'est promis. Vas-y, je décolle plus, j't'en ai trop dit. Ça me dépasse en gros, j'ai peur béton vu que je cale des grosses mises. Cette nuit c'est trop dur de lâcher le chromie. Passez-moi le flambeau, j'en ferai bon usage, c'est promis. Cette nuit c'est trop dur de lâcher le chromie. Passez-moi le flambeau, j'en ferai bon usage, c'est promis. Cette nuit c'est trop dur de lâcher le chromie. Passez-moi le flambeau, j'en ferai bon usage, c'est promis. Solo loco, bande d'enfoirés. Poignée de punchline pour Keep Me Five. Po City 64 000. Nizihara Prod, on tire dans le mille.